Psaume 99. L'Éternel règne, que les peuples tremblent, il est assis entre les chérubins, que la terre soit ébranlée. L'Éternel est grande tension, et il est élevé par-dessus tous les peuples. Ils célébreront ton nom, grand et terrible, car il est saint. Et la force du roi, car il aime la justice. Tu as ordonné l'équité, tu as prononcé des jugements justes en Jacob. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron ont été entre ses sacrificateurs, et Samuel entre ceux qui invoquaient son nom, ils invoquaient l'Éternel, et il leur répondait. Il parlait à eux de la colonne de nuée, ils ont gardé ses témoignages, et l'ordonnance qu'il leur avait donnée. Ô Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés, tu leur as été un Dieu fort, leur pardonnant, et faisant vengeance de leurs actes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous en la montagne de sa sainteté, car l'Éternel, notre Dieu, est saint.